Toto y a dit ton papa, les pas la papa. Et Toto y a dit ta maman, les pas la maman. Et Toto y a dit ton bébé, les pas la pépé. Et Toto y a dit ta mémé, yépa, yépa. Et Toto y a dit ton tonton, yépa, yépa. Et Toto y a dit ta tata, yépa, yépa. S'il n'y a pas ni ton tonton, ni ta tata, etc. À quel bonheur je viens voir ta sœur. Oui, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci, cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut, je t'ai pas apporté de fleurs, ça ne m'étonne pas, mais me voilà avec mon cœur, ça ne m'étonne pas, et aussi avec mon scooter, ça ne m'étonne pas, tout de ne batte que pour toi. Tip-tap, tip-tap, laisse-moi te prendre dans mes bras, bas les pattes, laisse-moi te faire un bisou. Bas les pattes, pour la vilaine, si c'est comme ça, je vais voir ta bonne, la belle Irma, et je l'amène au cinéma, na, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci, cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut Irma, tu viens au cinéma? Non.